Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue dans ce premier Holiday Mix de l'année 2013. Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux, une santé de fer, beaucoup de succès dans les affaires et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Je vous propose de démarrer cette année 2013 avec un set de pure dynamite. Pour booster vos dance floor, il y aura des sons à manipuler avec précaution. Le premier sur la ligne de départ aujourd'hui s'appelle Deba Montana. Voici Such a Feeling. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Vacila, rico. Les meilleures nouveautés dance floor. 100% clubbing. Avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. Hell yeah! titre quelque peu inspiré du Planète Claire des B-52s, le Hell Yeah de Curd Maverick. Juste avant, en Tech House, nous avions Will Gold avec Everyone Everywhere, qui était précédé de la version tribale de Châtelain du groupie de Bob Sinclair. À venir dans l'idée mix, les Weekend Heroes et Damian Williams. Attention, le titre de Damian Williams, Sixième Sens, est une véritable petite tuerie, méfiez-vous. Mais tout de suite, voici Burns avec Iced Out, un remix signé Calvin Harris. We'll be right back. Monsieur Cortez in the mix. Holiday Mix. Écoute ça. C'est tout nouveau. Et rien que pour toi. En exclusivité sur Holiday Mix. Holiday Mix. Décidément, ils ne peuvent s'empêcher de détruire absolument tout ce qu'ils touchent. Knife Party qui ont signé ce remix du Unison de Porter Robinson. Bon, j'interviens, il faut absolument les arrêter. Holiday Mix avec Philo and Perry dans quelques minutes, mais tout de suite, voici Beltech, un titre simple et efficace. Voici Go. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. We'll be right back.

Monsieur Cortez in the mix. Mix. Écoute ça. Holiday Mix avec Philo and Perry et leur SummerSlam. Holiday Mix, premier numéro de l'année, session pure énergie. C'est terminé pour aujourd'hui, mais promis, on remet ça la semaine prochaine et chaque semaine de l'année 2013. Si le cœur vous en dit, je vous adresse encore une fois à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2013. On se quitte avec ce Trigger de Marcel Woods et WW. Bye bye et à la semaine prochaine.